Vacciné. Troisième dose de solidarité offensive à la rentrée. C'est une chronique de Nadia Mezian qui est parue sur le site Ligne de Crête, ligne au pluriel, -de-crête au pluriel, .org, en ce 18 juillet 2021. C'est paru dans les chroniques du déni, conspirationnisme, instant, mémoire, vive et trace. Et donc, merci à Nadia Mezian pour ce texte. Cher gouvernement, vos insultes, sous couvert de féliciter les vaccinés, ça commence à me fatiguer. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. J'ai pris le Pfizer, pas la carte d'En Marche. La France qui travaille pour vous, ça sera sans moi. Je ne me suis pas vaccinée pour retourner bosser pour 8 balles de l'heure et une amende à 135 balles si je rentre trop tard et que j'avais pas d'attestation pour l'apéro dînatoire d'En Marche. Je suis vaccinée pour le chaos vivant contre votre ordre qui sent la mort. Je suis vaccinée pour ne contaminer personne dans les manifs. Je suis vaccinée pour protéger les chômeurs quand on manifestera contre la réforme de l'assurance chômage. Je suis vaccinée pour protéger les retraités quand on manifestera contre la réforme des retraites. Je suis vaccinée pour protéger les amis en situation de handicap quand on manifestera pour l'individualisation de l'AAH et puis des AESH pour les gosses. Je suis vaccinée pour retourner occuper les théâtres et cette fois on sortira pas avant d'en avoir fini avec la société du spectacle. J'aime pas spécialement Debord, mais encore moins Marlène Schiappa en train de réciter du Mora chez Hanouna. Je suis vaccinée pour pas tomber malade pile le jour où je fais grève et rater la manif. Je suis vaccinée pour dire même pas mal au flic qui m'arrachera mon masque dans une de vos nasses. Je suis vaccinée pour manifester pour que les exilés puissent se faire vacciner et avoir des papiers et un hébergement au ministère de la Défense quand on aura viré tous les militaires d'extrême droite, crois-moi, il y aura de la place. Je suis vaccinée pour pouvoir me confiner avec ma famille et qu'on me paye à rien foutre en bonne santé. Attends. C'était le seul bon côté du premier confinement, quand on y pense, rattraper un peu toutes les augmentations de salaire qu'on n'a jamais. Je suis vaccinée pour empêcher les fascistes de pourrir nos manifs. Et ça vous arrange, dites pas le contraire, vous en riez avec vos potes de Valeurs Actuelles. Je suis vaccinée pour cracher à la gueule des antisémites qui vous comparent à des nazis. Alors que vous êtes juste des capitalistes sécuritaires, autoritaires, injustes, inégalitaires, violents, enfin, des capitalistes, quoi. Je suis vaccinée parce que je crois à la science, et certainement pas à Olivier Véran, qui nous a dit de pas mettre de masque. Ouais, ouais, je me rappelle. Je suis vaccinée pour faire vivre dans les luttes la mémoire des morts dans les EHPAD, qui seraient pas morts. Et pas morte, si les EHPAD avaient eu des masques, des moyens, de l'humain. Je suis vaccinée pour rester vivante et raconter comment vous nous avez enfermés et punis toute l'année, pour rien, quand il y avait des couvre-feux et qu'on ne pouvait plus acheter du pain après 18 heures, mais attraper le virus au taf et contaminer nos proches, ça, on avait le droit. Je suis vaccinée parce que je veux être solidaire des jeunes. Le virus les touche peut-être moins, mais la précarité et l'enfermement, comme seule alternative à contaminer leurs parents, c'est pas une vie, et c'est celle que vous leur imposez. Je suis vaccinée parce que j'ai eu la chance de le pouvoir. Pas comme dans tous ces pays de la planète, où les gens meurent parce que votre capitalisme ne leur donne pas accès au vaccin. Je suis vaccinée parce que je suis pas laborieuse, justement. Je suis paresseuse et joyeuse et frondeuse. Je veux tout gratuit et un emploi fictif et un logement de fonction en urgence, comme tout à chacun. Et pourquoi pas moi et tous les gens du RSA ? Je suis vaccinée parce que je suis une assistée. Je veux lutter pour des tests gratuits, le SMIC à 2 000 € et le RSA à 1 200 à partir de 13 ans. Ouais, ok, c'est utopique. En même temps, à un moment, j'avais voté pour vous, pour faire barrage au fascisme. Je ne vais pas être plus déçue qu'après ça. Je suis vaccinée parce que je suis islamo-gauchiste et que je veux lire le Capital dans les mosquées bondées. Je suis vaccinée parce que je suis féminazie et que je veux imposer qu'on écrive « Macron démission en inclusive ». Ouais, ça doit bien être possible. Je suis vaccinée parce que je suis woke. Je racialise les mâles dominants. Mais là, je ferai tout pour ce que ce gouvernement arrête de prétendre qu'il est blanc comme neige. Je suis vaccinée pour cancel culturer 24 heures sur 24 les ministres qui violent. Tiens, par exemple, pour commencer. Je suis vaccinée parce que je veux tout le contraire du retour à la normale. T'as raison, tiens, t'as normal. C'est des lois travail et des lacrymos dans la face. Je veux le chaos, jusqu'à satisfaction de nos revendications. De toute façon, nous voulons tout. Et nous prendrons tout le reste. Et le vaccin avec, évidemment. Tu nous as pris pour les fans de Dieudonné ? On n'est pas cons quand même. Je suis vaccinée pour la liberté, la vraie. Celle d'être tous et toutes solidaires et en guerre contre ta société du « marche ou crève ». Je suis vaccinée parce que je ne suis pas une perdrix anti-système de l'année. Et c'est pas demain que je vais vous arranger en allant défiler avec des trumpistes à la française. Je suis vaccinée parce que je suis une rebelle. Ouais, ouais, mais une vraie. Et on est des millions. À savoir qu'on vous fera encore plus chier avec la 5G. Ça ira plus vite pour faire tourner les rendez-vous de grève et de manif. Je suis vaccinée parce qu'on raconte que le vaccin fait pousser des dents en acier aux moutons. Faites attention, les loups de la Startup Nation. Voilà. C'est un pur texte de Nadia Méziane. Merci, merci à elle, ça fait du bien. Et il est retrouvé donc sur le site, le blog de Ligne de Crête. Ligne au pluriel, -de-crête au pluriel, .org.